La Umra de compensation. Lorsque le mois de Dhul-Qi'da approcha vers la fin de la septième année de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna aux musulmans et en particulier aux hommes qui avaient été témoins du pacte d'Al-Hudaybiyah de se préparer à accomplir la Umra de compensation. Ainsi, il partit accompagné de 2000 hommes et de quelques femmes et enfants et emmena 60 chameaux pour le sacrifice. Les musulmans prirent leurs armes avec eux, craignant une trahison des Quraychites. Mais ils les laissèrent à Ya'juj, un endroit situé à environ 12 km de la Mecque, sous la garde d'un groupe de 200 hommes commandé par Aws ibn Khuwaili al-Ansari. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se fit remplacer à Médine par Uwayf ibn Adbat al-Dayli ou par Abu Rahm al-Rifari. Les musulmans entrèrent dans la cité, munis seulement de leurs épées, mais celles-ci étaient rengainées dans leurs fourreaux. Le prophète alayhi salatu wassalam se trouvait à leur tête, monté sur sa chamelle al-Qaswa, tandis que ses compagnons qui l'entouraient récitaient tous la talbiya. « Labbayk Allahumma labbayk »« Me voici, ô mon Dieu, à ton service. » Les Quraychites avaient déserté les lieux et s'étaient retirés dans leurs tentes sur la montagne de Qu'ayqi'an au nord de la Mecque. Les musulmans accomplirent le tawaf, c'est-à-dire les tours rituels autour de la Kaaba, rapidement et avec vigueur. Et afin de se conformer à la recommandation du prophète alayhi salatu wassalam, ils firent de leur mieux pour qu'une impression de détermination et de fermeté se dégage de leur tawaf. Ils ripostaient ainsi aux rumeurs répandues par les polythéistes selon lesquelles ils seraient affaiblis par la fièvre de Médine. Il leur fut ordonné d'accélérer pendant les trois premiers tours et de marcher durant les tours suivants, mais aussi de couvrir l'épaule gauche tout en découvrant la droite. Lorsque l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, entra à la Mecque sous le regard des associateurs, il ne cessa de réciter la talbiya jusqu'à ce qu'il touchât de son bâton la pierre noire. Il fit ensuite les tours rituels suivis en cela par les musulmans. Abdullah ibn Rawaha, l'épée en bandoulière, marchait devant le prophète, alayhi salatu wassalam, tout en récitant « Ôtez-vous de son chemin, ô vous les négateurs, écartez-vous, tout le bien est dans son envoyé. » Le tout miséricordieux descendit ce qu'il a révélé dans des feuillets lus à son envoyé. En ces paroles, Seigneur, je crois, car les agréés est la vérité. La mort la meilleure est pour sa cause. Aujourd'hui, l'ordre révélé, nous vous frapperons, d'un coup qui enlève la tête de son socle et fait oublier à l'homme son ami. Dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi d'après Anas, Omar ibn al-Khattab a dit « Ibn Rawaha, en face du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et dans le haram d'Allah, tu récites des vers. » Le prophète alayhi salatu wassalam lui répondit, « Laisse-le, ô Omar, ces vers de poésie font plus de mal qu'une grêle de flèches. » Après la marche et la course rituelle entre les deux collines de la Mecque, As-Safa et Al-Marwa, le Sa'yi, le prophète alayhi salatu wassalam et les musulmans s'arrêtèrent à ce dernier lieu pour sacrifier les animaux amenés à cet effet et pour raser leurs têtes. La grande majorité des pèlerins avaient maintenant fini d'accomplir les rites essentiels du petit pèlerinage, mais il restait ceux qui gardaient l'armement à Ya'juj. Le prophète alayhi salatu wassalam fit procéder à la relève de ces hommes qui purent ainsi effectuer à leur tour les rites. Le matin du quatrième jour du petit pèlerinage, les notables de Quraysh demandèrent à Ali ibn Abi Talib de dire au messager d'Allah alayhi salatu wassalam que lui et les musulmans devaient quitter la Mecque. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne pouvait bien sûr pas violer les clauses du traité d'Al-Hudaybiyah. C'est pourquoi donna-t-il l'ordre du départ. Les musulmans se rendirent dans un village appelé Sarif, où ils demeurèrent quelque temps. Les musulmans s'apprêtant à quitter la Mecque, la fille de Hamza, Omara, suivit ses oncles, Ali, Ja'far et Zaïd, qui se disputèrent pour savoir lequel d'entre eux la prendrait avec lui. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se prononça en faveur de Ja'far, sa femme étant la tante de la petite Omara. Ce fut au cours de cette visite à la Mecque que le prophète alayhi salatu wassalam épousa Maymouna, la fille d'Al-Harith Al-Amiriya et belle-sœur de son oncle Al-Abbas. En quittant la Mecque, il chargea son affranchi Abu Rafi' d'amener Maymouna jusqu'à lui. Le mariage fut célébré à Sarif. Cette Omra, ce petit pèlerinage, fut appelé le petit pèlerinage de compensation, Umratul Qada, car il fut accompli en remplacement de celui qui était resté en suspens lors de l'événement d'Al-Hudaybiyah, ou encore parce qu'il fut l'application du compromis intervenu à Al-Hudaybiyah. C'est pour ce dernier avis que penchent les savants. Les termes qada, compensation, qadiyya, accomplissement, qisas, réparation, sulh, réconciliation, servent tous à qualifier cette Umra. Il est à noter que quelques détachements, quatre en tout, furent envoyés après ce petit pèlerinage.